C'est à toi, Léa. Merci, l'empereur. Donc, c'est l'histoire de deux espions alliés. Donc, je vais vous parler du film Allié. Durant la Seconde Guerre mondiale, dont le taf consiste à dézinguer des nazis. Deux espions qui se rencontrent sur une mission et qui tombent follement amoureux à base de bisous dans le désert marocain et de demandes en mariage en quelques jours. Bref, on est face à une romance d'espionnage. Si le nom de Robert Zemeckis à la tête d'un film a tendance à me rassurer, je ne suis pas autant confiante à 100% quand il s'agit de traverser la grande histoire avec lui. Vous l'aurez noté avec ma première pantoufle dans la gueule de l'année qui était sur Forrest Gump. Qu'on se le dise, Bobby Zemeckis a un savoir-faire indéniable. Il s'agit ici d'un scénario habilement ficelé, nous baladant sans cesse entre une romance presque érotique, le film de guerre, le thriller psychologique, le drame social et bien sûr le film d'espionnage. La prestation parfaite de Marion Cotillard magnifie des répliques incisives, d'un double sens flou et exquis. Brad Pitt perd pied et tremble de nervosité. Il est à la fois inquiet et inquiétant lorsqu'il s'enfonce au sous-sol d'une base militaire qui symbolise à la fois l'enfer et le néant. La scène d'amour des deux héros est d'une rare intensité, probablement une des plus belles scènes de sexe que j'ai vues au cinéma. Le génie de Zemeckis s'exprime et touche à tous nos sens. Cette scène est tellement puissante et lourde de symbolisme qu'elle résumerait à elle seule tous les enjeux du film. Mais ce n'est pas la seule scène en passe de devenir culte, on assiste aussi à un accouchement en plein bombardement londonien. Rien n'est laissé au hasard et même les figurantes égalent le jeu, l'harmonie et la complémentarité du couple glamour que forment Cotillard et Brad Pitt. En revanche, on déplore une exposition un peu compliquée, les bases ont du mal à se poser et au contraire, l'histoire d'amour est fulgurante, presque trop rapide. La seconde partie, en revanche, est très prenante grâce à une mise en scène très efficace. On est tenu en haleine jusqu'à un final inéluctable et émouvant. Les fans de guerre et d'action seront forcément déçus, ici, il est avant tout question de doute et d'amour. Le film est très référencé et assume ses clins d'œil multiples au cinéma d'Hitchcock mais aussi au cultissime Casablanca. Allié est un film sublime et marquant. C'est une fresque à la fois glaciale et épique. Parachutez-vous au cœur de la Seconde Guerre mondiale, du Maroc à Londres en passant par la France vichiste et savourez ce conte tragique. Surtout si, comme moi, depuis Inglourious Basterds, vous adorez voir Brad Pitt buter des nazis. Bravo! Bravo! Ouais.